Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes. Septième épisode, l'attaque contre le communisme libertaire. Un des actes essentiels de la contre-révolution va se dérouler en Aragon, où les collectivités agricoles, profondément égalitaires et solidaires, englobent presque toute la population villageoise. En se proposant d'appliquer le principe suivant lequel la terre est à tout le monde et ce qu'elle fournit revient à chacun, selon ses besoins, les collectivistes s'attaquent résolument à la notion de propriété et lancent un vrai défi à l'ordre des choses. Alors que pour survivre, le Conseil d'Aragon donne de plus en plus de signes d'allégeance à la généralité, des Aragonais regroupés au sein d'une fédération régionale des collectivités participent activement au plénum des unions régionales de paysans qui se tient le 12 juin à Valence. Il s'agit de coordonner plus d'un millier de collectivités en Espagne, d'encourager leur fusion avec celle de l'industrie alimentaire et avec les coopératives de consommation citadine. Il est aussi question de prendre des mesures contre les actes d'agression et de sabotage perpétrés par le gouvernement de Front Populaire. À Barcelone, au cours d'Assemblée Générale, une majorité de militants syndicaux se prononce également pour la socialisation intégrale de l'industrie, une équitable répartition des richesses et une planification de branches entières de la production sous le contrôle des syndicats. Ainsi, les courants les plus radicaux de l'anarchisme, refusant le modérantisme de leur direction, appellent-ils à terminer la révolution, faite à moitié? Ce sont les mêmes militants qui critiquent la direction de la CNT pour sa participation à l'État, son acceptation de la militarisation et sa passivité face à la répression. Les anarchistes qui la subissent depuis avril sont désormais qualifiés par la justice de fainéants, de vagabonds et de voyous. Le 10 août, alors qu'un soulèvement des comités de défense de la CNT contre les provocations policières est envisagé, trois divisions, dont celle du communiste Lister, déferlent sur les collectivités aragonaises, qu'elles saccagent et pillent. Les collectivistes qui résistent sont abattus et près d'un millier de paysans sont jetés en prison. Le décret de dissolution du Conseil d'Aragon est publié simultanément et, quand c'est possible, les terres collectivisées sont rendues à leurs propriétaires. Malgré les appels au secours des militants locaux, la CNT et la FAI restent passives et, comme en mai, elles déconseillent même aux divisions anarchistes d'intervenir. Jiménez nous confirme dans son récit que la nouvelle parvient difficilement au front, tandis que l'offensive sur Belchite bat son plein. Mais il apparaît rapidement que le désordre créé par les troupes communistes compromet gravement la production agricole dans un Aragon déjà saccagé par le passage des armées. En outre, des milliers d'hommes ont fui en Catalogne et les collectivistes restants refuse de travailler pour les propriétaires. Le ministre de l'Agriculture fait alors marche arrière. Et pour assurer la prochaine récolte, il tolère à nouveau les collectivités. Aussitôt, des paysans reconstituent ces dernières en Aragon, en Catalogne et ailleurs, mais dans une moindre ampleur. Et bien sûr, dans un tout autre climat. Mario et Otto nous rejoignirent à Tardienta. Pris dans la vague qui déferlait vers Belchite, ils n'avaient pas pu nous rejoindre, et nous les avions crus morts. L'offensive républicaine continuait. Les pertes que nous avions subies étaient telles que notre groupe n'avait plus d'international que le nom. Il restait une cinquantaine d'hommes, sur 200, et les vides avaient été comblés par un apport de volontaires espagnols. Pablo réorganisa son unité en trois compagnies de 50 volontaires de langue espagnole et de deux groupes de 25. Un à majorité anglo-saxonne et l'autre à prédominance latine. Cela pour faciliter la transmission des ordres en campagne. Nous nous retrouvâmes ainsi, moi et mes amis, incorporés dans une unité de ligne. Fini les missions individuelles, les coups de main, les reconnaissances. Je n'en étais pas fâché, au contraire. Des bruits circulaient. Le Conseil d'Aragon était dissous. Le gouvernement s'apprêtait à prendre sous son contrôle direct les collectivités ouvrières et paysannes de Catalogne et d'Aragon. C'était la fin de l'expérience libertaire. Comme en Russie, où la prise du pouvoir par les communistes sonna le glas des soviets. L'arrivée au gouvernement de Négrine, leur homme de paille, marqua le commencement de la destruction des réalisations libertaires en Espagne. Et cela était normal, les mêmes causes ayant les mêmes effets. Un gouvernement centralisé, quel qu'il soit, ne peut permettre à des groupements professionnels de faire la preuve de leur capacité créative en toute liberté. En effet, cela permettrait aux ouvriers de connaître la valeur exacte de leurs efforts et l'inutilité de l'existence de tous les oisifs qui se réclament des professions libérales. Financiers, politiciens, magistrats, juges, avocats. Mais la guerre continuait. Une nuit, nous relevâmes un bataillon qui venait d'enlever une position ennemie. Rosario était une Andalouse, veuve d'un chauffeur fusillé par la Falange au début de la Révolution. Elle s'était jointe à notre groupe peu après sa formation et s'était attribuée les tâches les plus humbles et les plus nécessaires de notre formation. La cuisine, la couture pour les compagnons qui ne savaient pas coudre un bouton ou faire une reprise. Elle nous suivait dans tous nos déplacements, toujours prête à nous tendre sa gourde si nous avions soif, ou un quignon de pain et une boîte de singe, si l'étape était encore loin, et que notre estomac criait famine. Lorsque Pablo avait réorganisé notre unité, il lui avait proposé de l'attacher au PC, mais l'avait refusé, car les officiers ça ne l'intéressait pas. Rosario avait pris un fusil et s'était jointe à une compagnie. Cette nuit-là, elle avait pris son tour de garde avec les copains, insouciante, comme nous tous, de ce qui nous attendait au fil des heures à venir. Moi, j'avais fini par m'assoupir, pour ne me réveiller qu'au petit jour, juste à temps pour voir des silhouettes s'approcher d'un canon abandonné par l'ennemi, à une centaine de mètres de notre tranchée, et presque au bord de l'autre versant de la colline. Rosario était avec eux. Une cinquantaine d'hommes et une femme, agglutinés autour de la pièce, pour la pousser dans nos lignes. Tous les regards convergeaient vers cette tache mouvante et noire. Dans la faible clarté du jour naissant, nous ne voyions rien d'autre. Personne n'eut le réflexe de scruter le terrain au-delà de l'emplacement du canon. Imprévisible, la tragédie éclata. Des deux côtés à la fois, nous vîmes surgir des ombres qui se précipitèrent en hurlant sur nos camarades. Une mêlée générale s'ensuivit. Ponctué de rares coups de feu, on se battait à l'arme blanche. Puis une voix s'éleva, dominant les bruits de la lutte, comme un ordre. « Matadme, compañeros! Fuego !» La voix de Rosario. Le mitrailleur déplaça légèrement le canon de son arme et ouvrit le feu. Il faisait jour, lorsque, couverts par les tirs, toute la compagnie, des volontaires, s'en furent récupérer nos morts. Tout redevint calme. Mes camarades fatigués dormaient. Quelques-uns lisaient ou parlaient à voix basse du pays. Moi, je feuilletais El Quijote de Cervantes. Le ronronnement des moteurs nous fit regarder vers le ciel. Une escadrille, volant très haut, venait vers nous. Elle nous survola une fois et le bombardement commença. Prenant notre tranchée en enfilade, les bombes suivaient le tracé de la position, démolissant tout notre dispositif de défense, nous causant des pertes sérieuses en hommes et en armement. Le téléphone étant coupé, le responsable me demanda d'aller prévenir le QG de notre situation et demander l'appui de la chasse, si cela était possible. Lorsque je remontai en ligne, je portai l'ordre de retraite. Notre aviation était occupée ailleurs et nous n'avions pas assez de mosquitos pour faire face sur tous les fronts. La panique commença à s'emparer des hommes. Je n'oublierai jamais le visage hagard, avec le contour des yeux et des lèvres crayeux comme ceux d'un clown, de celui qui dévalait la pente, venant vers moi. Mais qui, je le jurerais, ne me vit même pas. Le carrousel de la mort continuait. Je ne puis pas dire comment j'arrivais à parcourir la tranchée sans être touché. La peur me prenait à la gorge et au ventre. Nous commençâmes à évacuer la position. Les hommes valides portaient les blessés, se couchant et se relevant sous un déluge de bombes et de mitrailles. Car l'aviation ennemie, voyant la carence de la chasse républicaine, employait la sienne à nous mitrailler entre deux passages de bombardiers. Le blessé que j'essayais de sortir de cet enfer, avec l'aide d'un copain, mourut avant que nous n'arrivions au bout du boyau. Nous le laissâmes sur place, et je revins sur mes pas pour chercher mon sac tyrolien. Car à cause du blessé, je n'avais pas pu le prendre, lorsque j'étais passé par là quelques minutes auparavant. Et je tenais beaucoup à mon Quixote. J'attendis le passage de la vague d'avion, et je bondis vers l'endroit où j'avais abandonné mes affaires. La peur, toujours présente, que j'avais réussi à dominer, reprit le dessus, devant la vision horrible qui me figea sur place. Deux corps gisaient sur ma capote. Un à qui il manquait la moitié de la figure, comme si un coup de hache lui avait coupé net le visage en deux parties égales. L'autre, le ventre ouvert, laissant échapper par la blessure les intestins, qui me semblaient encore palpiter d'un reste de vie. L'horreur, le dégoût, la peur me firent tout oublier. Sans plus me soucier des avions, de la mitraille et des bombes, je fis demi-tour et je m'enfuis, jusqu'à ce que quelqu'un m'arrêta, en me saisissant à bras le corps et en me faisant choir au pied d'un mur. Il me tendit une bouteille en disant « Amigo, bois !» D'un coup sec, contre une pierre, je fis sauter le goulot et je bus. Lorsque je détachais le flacon de ma bouche, il était vide. Mais moi, j'avais repris ma lucidité. « Ça va mieux ?»« Oui. Que fais-tu ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi n'es-tu pas parti ?»« Je suis là pour vous indiquer le chemin et pour donner à boire à ceux qui en ont besoin. » Je crois que tu es le dernier. On va attendre encore un peu. Par un sentier qui serpentait entre les arbres et les ronces, nous arrivâmes dans la vallée, où je rejoignis ce qui restait de mon unité. Nos effectifs avaient fondu comme beurre au soleil. Morts, disparus, blessés. Plus de la moitié de mes camarades manquaient à l'appel. Pablo nous interrogeait continuellement, nous faisant recommencer 10 fois notre compte-rendu des événements, surpris de la précision du bombardement que tous les rescapés lui signalaient. Au fond de nous-mêmes, nous espérions tous être envoyés à l'arrière, pour nous réorganiser et attendre de nouvelles recrues avant de reprendre le combat. Mais notre espoir fut déçu. On nous octroya la garde d'un poste avancé, dans une vallée qui, en temps de paix, devait être un pâturage. Devant nous s'étalait une plaine verdoyante. Au loin se dessinait la ligne des collines que nous avions abandonnées 24 heures auparavant. À l'aide d'une paire de jumelles, nous regardions les franquistes remettre en état les tranchées que leur aviation avait démolies. Nous étions trop loin pour pouvoir les gêner dans leur travail. L'artillerie et l'aviation républicaine brillaient par leur absence. Je ne me souviens plus exactement depuis combien de jours nous étions sur cette position lorsque les sentinelles donnèrent l'alerte. Ils avaient entendu un bruit de voix devant leur poste. Une voix qui criait quelque chose que personne ne comprenait. Pendant quelque temps, nous crûmes que c'était des Allemands qui tentaient un coup de main. Puis la voix s'éleva de nouveau dans la nuit. On criait au secours en suédois. Dans le groupe anglo-saxon, il y avait 2 Suédois. Un n'avait pas rejoint ses camarades. Et nous avions tous pensé qu'il était mort. Le malheureux, les 2 jambes criblées de mitraille, une cheville cassée, s'était traîné en rampant pendant ses moments de lucidité, car souvent il devait perdre connaissance, et ses souffrances avaient dû être atroces, poussées par l'instinct de conservation vers nos lignes. À l'hôpital de campagne où je l'accompagnais, le médecin me dit que la gangrène rendait inutile tous les soins, et qu'il fallait l'opérer d'urgence pour qu'il ait une chance de s'en sortir. Ce que fut cette opération sous une tente, avec du rhum pour anesthésique, je vous laisse l'imaginer. on l'amputa des deux jambes. Quelques jours après, il fut expédié sur Barcelone. On m'a dit qu'il était rentré en Suède quelques mois plus tard. Dans ce secteur, je fus le témoin de la façon dont les officiers supérieurs considéraient la vie de leurs troupes. Ou peut-être de la manière dont on se débarrasse, en temps de révolution, d'unités formées par les hommes qui n'ont pas la même idéologie que les gens du gouvernement. Nous avions été relevés. Une compagnie des jeunesses libertaires nous remplaçait au créneau de la tranchée. Mes compagnons et moi espérions être renvoyés à l'arrière pour quelque temps. En fête de repos, on nous fit camper dans un bois, à proximité de la première ligne. Nous étions placés en réserve. Pablo nous prévint que nous aurions une visite. En effet, dans le courant de l'après-midi, un groupe d'officiers, les manches et les bérets pleins de galons, arriva dans le sous-bois. Alignés sur deux rangs, nous les regardions passer, frais, souriants, nous dévisageant comme des maquignons regardent le bétail à la foire. Nous, au fur et à mesure qu'ils nous dépassaient, nous nous couchions sur place sans dire un mot. Quand Pablo nous dit « rompez les rangs », nous étions déjà tous couchés. Je me souviens qu'il n'était pas très content, car parmi les visiteurs, il y avait des officiers russes qui venaient se rendre compte de la valeur de l'armée républicaine. Je ne sais pas si c'était vrai, mais ce dont je suis certain, c'est que pendant toute la nuit qui suivit, les camions déversèrent des hommes dans le secteur, et qu'à l'aube commença l'attaque. Une violente fusillade, ponctuée par l'éclatement des grenades, me réveilla. Il faisait encore nuit. Seule la couleur plus claire du ciel annonçait le jour proche. La crête des collines, au loin, se révélait à nos yeux par une ligne sinueuse d'éclairs. Et plus bas, la rapide lueur des grenades nous faisait deviner la rapidité de la côte. Le sifflement des balles perdues nous faisait parfois instinctivement baisser la tête. Les soldats de Franco avaient repoussé la première attaque. Le jour, déjà, pénétrait dans le fond de la vallée. Le soleil réchauffait les sommets de la Sierra lorsque le combat reprit son intensité première. Mais cette fois, au bruit des fusils, des mitrailleuses, à l'explosion des grenades se mêlait un chant, entonné par mille poitrines. Un chœur qui arrivait par bribes jusqu'à nous. Hijos del pueblo que oprimen cadenas, antes que esclavos prefieren morir. C'était les bataillons des jeunesses libertaires qui montaient à l'assaut en chantant. Nous les vîmes essayer de grimper la côte en courant et tomber fauchés par le feu croisé des armes automatiques. Une voix près de moi dit « C'est pas un combat, c'est une boucherie !» Et Pablo lui répondit « C'est la tactique allemande. Attaque de masse, les hommes ne comptent pas. » Les postes avancés de la position étaient tombés, mais elle tenait toujours. Et tombant du ciel, un bruit de moteur emballé couvrit tous les autres. L'aviation de chasse ennemie venait au secours de l'infanterie menacée. Des centaines et des centaines de morts. Toute une jeunesse sacrifiée pour rien. Ce soir-là, au bivouac, on parla entre nous des raisons qui avaient poussé le QG à engager ses gosses. Certains n'avaient pas 16 ans. Qui arrivaient presque sans préparation militaire et sans entraînement. Dans l'assaut de cette position presque inexpugnable, par une attaque frontale. On disait, sans pouvoir l'affirmer, que le gouvernement avait dissous, ou voulait dissoudre, le Conseil d'Aragon, et prendre le contrôle des collectivités. Qu'il essayait d'éliminer les forces de la CNT et celles du POUM, dont les membres étaient pourchassés par la police secrète des communistes. Au front, nul besoin de police ni de prison. Quelques actions comme celles dont nous avions été les témoins, et les militants et sympathisants du POUM et de la CNT seraient réduits à néant. C'était l'hiver, et le théâtre des opérations s'était déplacé. Affecté comme agent de liaison auprès d'un bataillon en ligne, j'échappais à l'intégration que mes copains avaient subie aux brigades. La bataille de Teruel battait son plein. Le secteur était calme, et je passais mon temps à taquiner la muse, et à me promener le long de nos positions, en compagnie de Bobigny, un jeune capitaine, artiste de music hall, qui avait gardé comme nom de guerre son nom de théâtre. Nous discutions à longueur de journée, et parfois très tard dans la nuit, sur les principes de base qui devraient régir notre société. Bobigny résumait sa théorie en une phrase. Plus étendus sont nos droits, plus grands sont nos devoirs. Si j'ai le droit de consommer, j'ai le devoir de produire. Lorsqu'il parlait de son métier, il disait « Je suis un inutile, je chante, je dis des blagues, je fais rire. Mais notre monde est une jungle. Ceux qui produisent n'ont rien ou presque. Les oisifs, les nobles, bourgeois, militaires ont tout ce qu'il y a de meilleur sur terre et moi, pour vivre, n'étant pas capable de leur prendre par la force ou par la ruse une part de leur superflu pour en faire mon nécessaire, je me suis fait leur bouffon. » Welcome and bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, just wie enchanté. Happy to see you, bleibe reste stay. Welcome and bienvenue. Parfois il parlait de ses enfants et des espoirs qu'il nourrissait pour eux. Il me disait « Je voudrais qu'ils puissent choisir, sans aucune contrainte économique, dans un monde sans corruption ni hypocrisie, où la liberté et l'égalité ne sont pas des mots vains, vides de sens, d'où l'ignorance serait exclue, où l'on pourrait être à la fois ingénieur et paysan, philosophe et mineur, doctoresse, lettres et maçon, ou n'importe quoi d'autre selon les aptitudes et les capacités des individus. J'ai toujours horreur de la violence. Jamais je n'ai aimé me battre. Et même dans ma jeunesse, j'ai évité les bagarres. Pourtant, aujourd'hui, je me bats dans la lutte mortelle contre les tenants du pouvoir, les privilégiés et leurs chiens de garde. Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est que je n'en veux pas aux gars qui sont en face. Je me bats contre eux, sans haine, car ils ne font qu'obéir à leur maître, à ceux qui les exploitent depuis toujours au nom d'un destin irréfutable et inhumain. » Bobigny avait la conviction que tous les partis politiques connus à l'époque étaient à la solde de la haute finance. Socialistes, républicains, libéraux, tous étaient dirigés par des bourgeois, manipulés par les capitalistes internationaux. Même les communistes étaient prêts à se vendre. La preuve ? L'arrêt par Torres du mouvement de juin 36 en France et le pacte de non-intervention en Espagne par Léon Blum. Nous passâmes l'hiver sans un écroche. On se battait assez loin de nous, mais nous ne fûmes pas appelés en renfort. Les beaux jours du printemps me surprirent. Devant une plaine vallonnée et désertique, où la compagnie de Bobigny s'étirait sur près de 2 kilomètres, suivant la crête d'une suite de mamelons, et aussi loin que portait notre regard, même avec l'aide d'une paire de jumelles, on ne voyait signe de vie. C'est ici que Tarzan, mon ami fidèle et dévoué, qui pendant tout l'hiver m'avait accompagné, révéla ses talents de chasseur. J'ai déjà parlé de cela au commencement de ce récit. Un réseau de fils barbelés protégeait nos tranchées. Et les jours s'écoulaient sans histoire. Même les bombardements d'artillerie, qui se déclenchaient chaque fois qu'un convoi de ravitaillement essayait d'arriver jusqu'à nous, pour nous apporter notre part de pois chiches, nous servaient de distraction. On comptait les coups, et le nombre d'obus qui n'explosaient pas, car il y en avait toujours quelques-uns qui s'enfonçaient dans la terre, et restaient là tant que l'équipe des artificiers ne venait pas les désamorcer. Tout alla bien jusqu'au jour où Bobigny reçut l'ordre d'envoyer une patrouille pour localiser les avant-postes ennemis. L'agent de liaison arriva tard dans la nuit. Nous partîmes vers 1h du matin, d'un pas léger, car nous savions que pendant les 3 ou 4 premiers kilomètres, on ne pouvait rencontrer rien d'autre qu'une autre patrouille. En effet, rien ne vint ralentir notre progression. Si ce n'est la fouille d'un barranco, qui commençait à une 50aine de mètres du pied d'un mamelon, et s'éloignait vers le sud, en devenant de plus en plus profond et escarpé. Tarzan trottinait autour de nous, en reniflant toutes les senteurs de la terre, qui lentement se réveillaient. Nous avions fait halte, pour décider s'il fallait continuer à avancer, ou faire demi-tour et rentrer, car le jour se levait, et déjà les rayons du soleil illuminaient les sommets des plus hautes collines. On opta pour le retour. On donna un coup d'œil avant de rebrousser chemin, et nous vîmes la silhouette d'un cheval et son cavalier se dessinait sur le fond bleu du ciel. Une, deux, trois, quatre, un peloton de cavalerie était devant nous. Nous étions découverts. Déjà les cavaliers dévalaient le mamelon. Notre décision fut vite prise. Se disperser et les attendre au barranco. La course commença. Au bout d'un moment, je m'aperçus que j'avais manqué la tranchée naturelle. Déjà les balles sifflaient. Je courais en zigzag pour déranger leur ligne de tir. Je me laissais tomber et je tirais. Le cheval se cabra et tomba. La course recommença. Le martèlement des sabots sur la terre sèche m'alerta. Je me retournai et déchargeai mon 9 mm. Le cavalier ouvrit ses bras et la bête affolée me dépassa. Moi, je me remis à courir, comme jamais homme n'a couru de sa vie. Je n'avais plus de chargeur. Je savais que c'était la fin, que j'étais dans la même situation que le renard dans une chasse à court. Et comme le renard, je fonçais. Machinalement, je remis mon pistolet dans son étui et ma main se crispa sur le manche de mon poignard. Mes poursuivants ne tiraient plus. Je jetai un rapide regard en arrière. Mon chasseur avait dégainé et le sabre haut, il se préparait à m'abattre lorsque je bondis sur lui, saisissant son bras qu'il avait baissé pour me pourfendre. Nous tombâmes tous deux. Mais lui avait la lame de mon poignard dans le ventre. Je me relevai et recommençai à courir pendant que j'entendais au loin le crépitement d'une mitrailleuse en action. Des ombres s'agitèrent autour de moi. On me souleva et on me demanda « Estás herido ?»« No parece. Mira como tiembla !» On me donna à boire. Dans ma course folle, j'étais venu échouer devant une position tenue par des copains socialistes. Alerté par les détonations, toute la compagnie était au poste de combat lorsque j'arrivais dans leur champ visuel. Le capitaine, aux jumelles, avait suivi les derniers moments de ma course contre la mort. C'est lui qui me félicita de mon sang-froid et de la rapidité de mes réflexes. Et pour me convaincre que ma modestie n'avait pas de raison d'être, il me raconta tout ce qu'il avait vu de ses propres yeux. S'il avait pu s'imaginer que c'était la peur qui avait conditionné mon action, que c'était la réaction d'une bête aux abois qui avait commandé tous mes gestes, son admiration pour moi serait certainement retombée à zéro. Mais de toute façon, il ne m'aurait pas cru. Je me suis contenté de caresser Tarzan, qui à mes pieds récupérait ses forces, la gueule grande ouverte et la langue pendante. L'offensive républicaine sur Belchite n'empêchera pas la chute des Asturies et le 21 octobre 1937, il n'y a plus de front au nord, malgré 16 mois de résistance acharnée. La bataille de Teruel commence le 15 décembre. 80 000 Espagnols y sont engagés. Le 4 janvier 1938, la situation est si mauvaise que l'on fait appel aux brigades internationales. Dans un froid sibérien, les républicains prennent Teruel, puis d'assiégeants deviennent assiégés. La ville est reprise par Franco le 22 février. Si cette offensive a pu retarder celle des franquistes à Guadalajara, les républicains ont perdu beaucoup d'hommes, de matériel et de terrain. Après que l'on eut tant critiqué l'indiscipline des milices anarchistes, l'armée populaire constituée et en principe armée de neuf par les soviétiques ne parvient pas à changer le cours de la guerre. D'une manière générale, on voit que les Russes apportent assez d'armes à la République espagnole pour que la guerre dure, mais pas assez pour qu'elle soit gagnée. En attendant, les démocraties capitalistes assistent sans se plaindre à la mise à mort des révolutionnaires d'Espagne, dont l'existence les dérange bien plus que celle d'Hitler ou Staline. Comme nous l'indique Jiménez, les bataillons libertaires sont sacrifiés sur le front. À l'arrière, la justice continue à se militariser, multipliant les tribunaux spéciaux et les procédures sommaires, dont les victimes sont plus souvent les militants syndicaux que la cinquième colonne fasciste. Ainsi s'élabore la nouvelle discipline sociale de l'État moderne, en grande partie sous la direction des socialistes. Quant au bataillon international, écoutons ce témoignage d'un Canadien du syndicat américain Industrial Workers of the World, publié dans la presse anarchiste de son pays en septembre 1937. Je suis hors d'Espagne, les raisons sont nombreuses. J'étais de trop pour le gouvernement et j'étais dans le bataillon international de choc d'Urruti. Le gouvernement nous a sabotés depuis notre formation en mai et nous a mis dans l'impossibilité de rester au front. Je me souviens, à présent, des histoires que j'avais lues sur la GPU en Russie. Les staliniens n'hésitent pas à tuer quiconque n'accepte pas aveuglément Staline, comme un second Christ. Tout volontaire des brigades internationales communistes est considéré comme un ennemi potentiel de Staline. Il est contrôlé et recontrôlé. S'il prononce un mot différent du vocabulaire communiste, il est emmené faire un tour, comme ils disent. Je crois que l'Industrial Workers of the World a perdu quelques-uns de ses membres ici, dans la mesure où je doute qu'ils restent tranquilles au front, au vu de ce qui est en train de se passer. C'est seulement par le sabotage que le gouvernement est arrivé à démanteler le bataillon international des anarchistes. Ils savent y faire pour ne pas donner d'armes aux milliers d'anarchistes du front d'Aragon. »